Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Tous ces hommes en conserve crient « Heil !» De l'autre dictateur là-bas, il en coule de tout pareil qui crie « À nous !» De l'autre dictateur, il en coule de tout pareil qui crie « Le parti !» Tout ça, ensemble, d'une petite voix flûtée, ils roulent des yeux. Ils font un pas automatique tous ensemble, les uns vers les autres. Ils se regardent, ils crient, ils roulent les yeux, ils penchent la grosse tête gonflée chacun de leur puanteur politique. Ils s'avancent d'un pas les uns vers les autres, leur corps est tout tremblant d'un mécanisme de zinc. Le long de la colonne marchent gravement des squelettes hautains. Ils ont un insigne haletant dans leur cage thoracique déserte. Ils portent, passés dans leur bras d'os, une tribune à discours en forme de tabouret à traire les vaches. De temps en temps, ils le plantent dans la terre et se dressent là-dessus en faisant claquer leur paquet d'os. Ils montrent dans leur grillage de poitrine cet insigne haletant comme un putois en train de faire gicler toutes ses glandes. Le ressort des automates en est tout remonté comme par une cellule électromagnétique. Les cris sont plus aigres, les pas plus secs, les élans plus métalliques, les sauts plus violents, les remous plus féroces. Déjà le gros de l'armée a arraché l'abondance de la terre et traîne derrière lui les champs de blé comme des peaux de lion. Le bruit des usines s'accélère, les casernes s'ouvrent et se ferment violemment en claquant comme des guillotines, jetant des bouffées de cris de clairons. Les babels de cheminées écrasent le restant de jour sous des forteresses de fumée. La fièvre précipite la pulsation des marteaux. Là-bas, les points d'avant-garde s'affrontent déjà. Toujours ce pas d'automate, ce saut en avant, ces yeux qui ne voient pas, ces squelettes sur leurs tréteaux. Ils s'affrontent, ils vont se frapper les uns dans les autres, se renverser, s'entasser en monceaux de ferraille, dans un étripement où il n'y aura même pas de tripes. Il ne sortira de vos ventres que des ressorts de sommiers. Les champs de la terre sont roulés de côté, comme les tapis dans la chambre d'un mort. Les arbres empaquetés dans la momie de leurs feuilles montrent des visages peints, immobiles et indifférents. Le ciel est couvert de nuages énormes dont les plus étrangement effroyables ne sortent pas de ces longues cheminées, mais s'avance, largement déversée par toutes les ouvertures de la rose des vents. La mer se hérisse comme le poil des bêtes effrayées. L'eau des fleuves se soulève en crinière au-dessus de rochers où, peu à peu, sous la terreur de la terre, se modèle la forme du premier de ces quatre chevaux sacrés qui doivent écraser l'univers sous leurs sabots. Les automates se massacrent, froidement, avec un enthousiasme de fer, des gestes de fer, des cris de fer, sans pitié, sans émotion, logiquement. Roulant vers la bataille métallurgique, les énormes armées de fourmis de fer traînent derrière elles, dans les plis des derniers champs de blé, le cadavre de la grande paysannerie, la charnelle, la mer, dont les seins s'écorchent sur les graviers des déserts. La pureté est une force terrible. Elle est violemment rejetée en dehors de toutes les lois sociales. Le mot même, il n'y a qu'à essayer de le mettre à côté du mot « politique », et le monde entier va crever de rigolade. Les automates de fer s'arrêteront dans un armistice de rigolade universelle, rien qu'en entendant ces deux mots réunis, pureté politique, effroyable cuirasse. Pourtant c'est bleu, c'est en lin, et ça exhale une imperceptible odeur de réséda. Mais c'est l'épouvante des lois humaines. Déjà, des hoquets de vapeur fusent par les joints de la machine à massacre. Du sable craque dans la graisse d'armes. Les squelettes militants tambourinent vainement dans la direction de la pureté, se frappant leur grillage d'os du haut de leur tabouret à travers les vaches. Les hommes de fer regardent épouvantés les gouttes de sang qui commencent à sourdre de leur métal. L'ouvrier qui frappait l'enclume dans le fond abrité de son atelier est brusquement emplâtré par le giclement des charniers de guerre. Toujours ce cliquettement de squelettes militants qui battent sur leurs os secs les cadences hautement spirituelles des doctrines, des partis, des philosophies politiques, des valeurs morales, des patriotismes, des nationalismes, toutes les symphonies de tambours, de densités éprouvées, qui jusqu'à présent excitaient violemment la cellule électromagnétique des plexus solaires et les ventres de femmes en mal d'héroïsme gratuit. Regardez. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.